et groovy à souhait les Daft Punk. Les Daft Punk, ce sont Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Christo. Thomas Bangalter raconte, au micro de Jean-Philippe Renoux, leur démêlé avec France 2 et comment ils ont préféré des excuses à une importante somme d'argent. Si on prend l'exemple de France 2, on est sans doute arrivé à ce qui s'est passé, donc à des excuses à la télévision et tout ça par rapport à... l'histoire, c'est que France 2 a utilisé pour des bandes annonces des sets d'or, des bandes annonces de la Coupe du Monde de rugby, etc. En février, janvier-février, à l'époque de la sortie du disque, ils avaient utilisé trois extraits de l'album sur leurs bandes annonces, tu vois, jingle un peu mis n'importe comment et tout ça. Et ça représentait, je crois, 28 minutes de bandes annonces publicitaires qu'ils avaient utilisées en synchronisant notre musique dessus. Il y avait un film, c'était Le Flingueur avec Charles Bronson qui apprend à tuer un autre. Ils avaient mis Revolution 99. Il y avait les 7 d'or. Ouais, ça fait 20 minutes, 28 minutes. Donc, ça, et c'était trois morceaux, quoi. Tu vois, c'était pas. C'était vraiment flagrant. Et c'est vrai que, genre, nous, on n'a rien à voir avec France 2. Et de voir ça, la musique que t'as faite, mise à la télé comme ça, alors où ça légitime que, tu vois, légitimise la chaîne jeune qui aime bien la techno, ou ça y est, c'est connu, ou même. J'imaginais les gens qui avaient acheté le disque et qui disaient « Ah, ça y est, maintenant, ça y est, c'est sur France 2 », et tout ça, c'était quelque chose qui nous plaisait pas du tout, aussi bien par rapport au respect du droit moral et du fait que le droit de synchronisation, c'est quelque chose qu'on voulait garder, de savoir si on donne l'autorisation ou pas. Et tout ça n'étant pas du tout motivé de façon financière, tu vois. Donc, et c'est pour ça, on a donc fait un référé, France 2 nous a attaqués, on les a attaqués, ça a duré... assez longtemps. On a gagné en appel en septembre 97. Et eux nous ont réattaqué comme s'il y avait un appel d'appel, un truc un peu pas très légal, mais bon, nous ont réattaqué. Et ils ont finalement, comme ils avaient déjà perdu deux fois, perdu une troisième fois en janvier. Et ce qu'on avait demandé justement, et c'est pour ça que ça a peut-être abouti, c'est que la plupart du temps... des arrangements financiers sont... Il y a eu des cas similaires des fois, mais avec des arrangements financiers qui se sont trouvés, qui se sont faits. C'est une chaîne qui a énormément d'argent, bon, c'est l'État et tout ça. Et c'est vrai que pour des gens qui accorderaient l'importance à de l'argent, bah, avec une coquette somme ou une petite somme, ils pourraient, même en demandant ça dans le procès, tu vois, ils pourraient demander des dommages et intérêts. On avait demandé zéro dommage et intérêt. Et ce qu'on avait demandé, c'était justement du temps d'antenne avec sous forme d'une excuse, tu vois, pour ce qui est finalement pour eux beaucoup plus embêtant, parce que c'est des choses qui ne sont pas faites et qui sont quelque chose qui a été jugé Et voilà, et bon, après, ils ont passé les 17 ou 19 passages, tu vois. Mais ça, c'est au bout d'un an et demi, donc c'était quelque chose. Mais c'est vrai que c'était une volonté de. Vraiment, c'était pas du tout de l'intérêt particulier pour nous, Non, c'était c'était pour carrément de l'intérêt les général autres. pour le droit d'auteur, pour l'ordre moral, parce que Tous les c'est gens vrai qui que sont payés en permanence, c'est normal. quand t'es Julien Clerc ou quand t'es Jean-Louis Aubert, tu vas pas faire ça, parce que sinon tu passes plus à Taratata après, tu vois. Et nous, on s'en fout de passer à Taratata, on n'a pas envie. Nous, il y a un groupe français, je ne sais pas si c'est celui que je préfère, mais tout de même, ce sont deux personnes très jeunes, Nicolas et Jean-Benoît, et puis chez eux, ils ont réussi à concocter une musique qui frôle la pop, peut-être la variété, mais tellement bien faite qu'on aurait l'impression que ça a été fait dans des studios avec des moyens faramineux. Et puis alors, à leur propos, à propos de R, revient un mythe de la techno française, Versailles. Oui, un nouveau palais des glaces peut-être. Oui, alors méfions-nous un petit peu des interprétations hâtives, puisque faut pas croire que la techno soit et la house soient exclusivement BCBG et qu'il faille être né à Versailles pour pouvoir en pratiquer une bonne. Mais c'est vrai, c'est un petit peu le hasard du temps. Pas mal de groupes sont passés par Versailles, puis surtout d'un lycée. Nicolas et Jean-Benoît, donc, les deux personnages de R, se sont connus sur les bancs de l'école. Et sur cette même école, on avait aussi Arnaud Robotini, qui est devenu un des producteurs les plus courus du moment, alors qui, lui, évolue dans un drum and bass très tourmenté. Xavier Jameau, qui était dans le même groupe de lycée que les gens de R. Et l'équipe de Solid Records qui a fait après le projet Super Discount, qui est aussi une moitié du projet Motor Bass. Donc finalement, toutes ces identités, certes disparates aujourd'hui de la scène française, ont à un moment côtoyé soit le même flirt de lycée, soit le même bar tabac, soit le même aumônier dans leur lycée de Versailles. Bon, voilà, c'est une anecdote, ça n'est pas un mythe. D'ailleurs, on fait de la techno et de la house, bien d'ailleurs qu'à Versailles.